meilleur ami. Et ça n'ira jamais plus loin, hein, hein. Ou alors juste une nuit, une fois pour être sûr qu'on ne se cache rien. Tu as des gros seins, mais t'es ma meilleure amie. Et même si j'en ai envie, il ne se passera rien. Lucie, non jamais rien, tu es ma meilleure amie. Oh non, jamais rien, Lulu, amie pour la vie. Lucie, non jamais rien, tu es ma meilleure amie. Oh non, jamais rien, Lulu, amie pour la vie. Lucie, non jamais rien, tu es ma meilleure amie. Oh non, jamais rien, Lulu, amie pour la vie. Lucie, non, non, jamais rien, tu es ma meilleure amie. Oh non, non, jamais rien, non, non, non, amie pour la vie. Amie pour la vie, pour la vie, pour la vie, amie pour la vie. Allô? Ah, salut chérie. Non, rien de spécial, je t'écrivais une chanson.